le peuple a parlé très, très, très clairement. Hein? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et pour 4 ans, je pense que les Québécois ne voudront pas être secoués. Alors maintenant, que va-t-il arriver? Parce que celui qui a été le pire des pires hier à la télévision, le plus irresponsable, le plus, comment dire, c'est un pyromane, hein? C'est Amir Kadir qui a appelé, hein, qui s'est adressé à la rue à travers ces mots qui étaient hargneux, qui étaient amers. C'était terrible de l'entendre. Ouais, mais faut pas lui accorder trop d'importance. Mais Madame Bombardier, ils ont pas beaucoup augmenté dans les. Le problème, oui. Je vais vous le dire, allez-y. C'est que quand vous avez, il y a pas un gouvernement qui veut 10 000 personnes dans les rues, ben non. Dans des manifestations qui sont illégales. Vous voyez, ça va. C'est la seule perturbation pourrait venir de là. Et on va voir, Monsieur Couillard est un homme de poigne. Il va être capable de, j'espère, de gérer si jamais ça se passe. Et il y a une autre chose aussi qu'il faudrait dire avant de partir. Je sais que c'est le petit nombre, 15% des étudiants qui sont allés voter. Après qu'on leur eut installé des bureaux de vote dans les collèges. Très bon point. L'apathie étudiante. Et ça, là, si vous voulez savoir l'avenir politique du Québec, à la fois pour n'importe quel parti, c'est ça. Ça, c'est grave. Et il va falloir se pencher sur cette question-là. Et c'est pas en distribuant des pamphlets comme Bernard Drinville le fait, près des bulletins, près des bureaux de votation dans les universités qu'on va régler le problème, là? Non. Si une partie des jeunes les plus instruits considèrent qu'aller voter et que la politique, c'est pourri, eh bien, je ne sais pas quelle est l'alternative à la politique, moi, telle qu'on la connaît, aux institutions politiques. Il n'y en a pas. Voyez-vous? C'est la rue. Ou alors, c'est l'indifférence. Et on ne peut pas... Et ça, c'est l'individualisme poussé à fond. C'est le nombrilisme poussé à fond. C'est toutes ces valeurs qui sont en train de nous faire perdre notre âme. Et ça, c'est grave. Je vous remercie beaucoup, Mme Bombardier, pour avoir été avec nous durant cette campagne.